Pour moi un vrai pote, c'est le mec sur qui je compte, que t'appelles en cas de crise et qui rapplique en 10 secondes. C'est celui qui parle pas sur toi quand t'es absent. Je mets l'accent sur l'amitié, il calme tes histoires pour qu'il y ait pas de sang. Jamais sans lui dans tes plans, tes histoires, il serait prêt à donner sa vie ou tirer sur ce gars pendant que t'hésites toi. Un vrai pote est content quand tu réussis, et si votre amitié est morte, il fait tout pour qu'elle ressuscite. C'est celui qui t'aide quand t'as des soucis financiers, il t'envoie des mandats cash quand tu craques au pénitencier. N'a pas d'arrière-pensée quand il voit ta copine, et si elle va vers lui, lui il t'avertit quand elle fait sa coquine. Un vrai pote te laisse te battre en tête à tête, mais il intervient sec si il voit que les mecs se pointent à 7. C'est celui qui t'aide, qui t'apprécie pour ce que tu es, pas pour ce que tu as, avec qui tu traînes. Bref, c'est lui qui t'aime. Les vrais potes sont rares, comme un jour de paix, comme un jour de paix, comme les histoires sont genre art. C'est plus en plus dur de donner ta confiance, de traître, tu fais même trahir pas ta propre conscience. On préfère marcher seul et compter que sur soi, toujours vigilant, méfie-toi des conseils que tu reçois. Mon vrai pote, je décris dans mes couplets, mais je reste sur mes gardes car je sais très bien qu'un seul de ces couplets. Je me méfie tous des inconnus comme ceux que je fréquente, seul au départ, les vautours m'entourent dès que le fric entre. Ça rend malade et y a pas de traitement symptomatique, souvent ça se finit bêtement d'un coup de flingue automatique. Autant ma clique je l'aime, mais je m'en méfie quand même. Pas à l'abri que le destin s'en mêle ou que le celui t'emmène. Mon vrai pote me considère comme son frère, il me dit quand c'est pourri mais apprécie lorsque mes sons sont frais. Pas là pour me juger mais pour prévenir de mon comportement. Démarre au quart de tour quand de respect on me manque fortement. Il me fait croquer quand il a des plans sûrs, durs, des pures tueries. Bref, des délires taillés sur mesure, on censure rien quand je dis les choses sans chichi. Il a ma parole que je le mettrai bien si un jour je m'enrichis. Équipe de choc, on vise que la victoire. Je prends en lui même si dans mon refrain je suis contradictoire. Les vrais potes sont rares, comme un jour de paix, comme un jour de paix, comme les histoires sont genre art. C'est plus en plus dur de donner ta confiance, de traître, tu fais même trahir pas ta propre conscience. On préfère marcher seul et compter que sur soi, toujours vigilant, méfie-toi des conseils que tu reçois. Mon vrai pote, je décris dans mes couplets, mais je reste sur mes gardes car je sais très bien qu'un seul de ces couplets. C'est quand les années passent que tu t'aperçois qu'ici t'es bien seul. Pas sûr à 100% que mon bonheur c'est tout ce que les miens veulent. Sûr de rien, l'avenir te dira si t'avais raison, si t'avances sur la bonne route ou si tu multiplies les crevaisons. Particulièrement incompris, c'est pourquoi j'articule. Méfie-toi des faux frères qui te bouffent jusqu'à la moindre particule. Je compte que sur moi, afin de pas t'en vouloir. Si à cause de toi, je côtoie la mort ou je plane dans son couloir. Ouais, déçu par le passé, le présent me certifie. Ici y a trop d'insectes, donc j'asperge mon futur d'insecticide. Peut-être tu te reconnais dans ce que je dis, dans ce que j'écris. Peut-être tu fais partie des traîtres dangereux dont je me méfie. T'as bien compris que mon pote découplé est virtuel. Car de nos jours, la plus petite embrouille vire au pire duel. Malheureusement, les meilleurs ont un départ prématuré. Pour conclure, l'amitié est une histoire qu'a du mal à durer. Les vrais potes sont rares, comme un jour de paix, comme un jour de paix, comme les histoires sont genre art. C'est plus en plus dur de donner ta confiance, de traître, tu fais même trahir pas ta propre conscience. On préfère marcher seul et compter que sur soi, toujours vigilant, méfie-toi des conseils que tu reçois. Mon vrai pote, je décris dans mes couplets, mais je reste sur mes gardes car je sais très bien qu'un seul de ces couplets.